La ville. Extrait du recueil Les campagnes hallucinées. Tous les chemins vont vers la ville. Du fond des brumes, là-bas, avec tous ses étages et ses grands escaliers et leurs voyages jusqu'au ciel, vers de plus hauts étages, comme d'un rêve, elle s'exhume. Là-bas, ce sont des pontres et ses enfers, jetés par bonds à travers l'air. Ce sont des blocs et des colonnes que dominent des faces de gorgones. Ce sont des tours sur des faubourgs, ce sont des toits et des pignons en vol plié sur les maisons. C'est la ville tentaculaire, debout, au bout des plaines et des domaines. Un fleuve de naphte et de poix bat les molles de pierre et les pontons de bois. Les sifflets crus des navires qui passent hurlent la peur dans le brouillard. Un fanal vert est leur regard vers l'océan et les espaces. Des quais sonnent aux entrechocs de leurs fourgons. Des tombereaux grincent comme des gonds. Des balances de fer font choir des cubes d'ombre et les glissent soudain en des sous-sols de feu. Des ponts, s'ouvrant par le milieu, entre les mâts touffus, dressent un gibet sombre, et des lettres de cuivre inscrivent l'univers, immensément, par à travers les toits, les corniches et les murailles, face à face, comme en bataille. Par au-dessus, passent les câbles, filent les roues, roulent les trains, volent les forts, jusqu'aux gares, dressant, telles des proues, immobiles, de mille en mille, un fronton d'or. Les rails ramifiés rampent sous terre, en des tunnels et des cratères, pour reparaître, en réseau clair d'éclairs, dans le vacarme et la poussière. C'est la ville tentaculaire.